Europe On Air avec les centres Europe Direct. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Europe On Air, l'émission qui vous parle d'Europe et de son actualité. Votre chronique est présentée par l'association Citoyens et Territoires Grand Est, Centre Europe Direct, Territoire Lorrain. Alors aujourd'hui, on va parler du plan de relance européen. Eh oui, et Camille, peux-tu nous redonner un peu le contexte? Bien sûr, Yves. Alors, face à la pandémie de Covid-19 et pour se prémunir des conséquences économiques très néfastes qu'elle aurait pu engendrer, l'Union européenne s'est mobilisée et a voté en un temps record l'adoption d'un plan de relance européen appelé Next Generation EU, le plus vaste train de mesures de relance jamais financé en Europe. Ça, c'était en juillet 2020. Qu'est-ce que ça représente? Eh bien, c'est une somme colossale. Hein. C'est plus de 750 milliards d'euros, dont une partie de subventions et une partie de prêts. Mais au-delà du pur aspect financier, c'est un événement marquant dans l'histoire de la construction européenne, puisque, chose inédite jusqu'alors, les 27 États membres ont décidé de s'endetter en commun pour lancer ce nouveau projet. Quel est l'objectif de ce plan de relance européen Next Generation EU? Eh bien, le triptyque est le suivant, sortir plus fort de la pandémie, transformer les économies et créer des possibilités et des emplois pour l'Europe, et ce, en rendant l'Europe plus verte, plus numérique et plus résiliente. Et dans la pratique, comment cela s'est-il mis en place? Eh bien, chaque État membre devait en théorie transmettre avant le 30 avril 2021 son plan national pour la reprise et la résilience à la Commission européenne. Ce document hein, qui démontre que les mesures pour lesquelles l'État en question prétendait aux subventions et aux prêts européens respectaient un certain nombre de critères. Alors certains pays ont pris du retard, mais à ce jour, tous, à l'exception de la Hongrie, les ont transmis et ils ont été validés par la Commission européenne. Quelles sont les conditions pour pouvoir bénéficier de ces prêts et subventions du plan de relance Next Generation EU? Bien, les États membres doivent consacrer 37% des dépenses de leur plan national aux objectifs environnementaux européens. Donc, par exemple, la neutralité carbone à l'horizon 2050. Et 20% des dépenses doivent, quant à elles, être destinées à la digitalisation de l'économie. Les plans nationaux doivent aussi tenir compte des défis qui sont propres à leur pays. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les recommandations spécifiques aux pays qui sont transmises par la Commission européenne dans le cadre du semestre européen. Enfin, autre élément important, il y a aussi une intégration dans ces plans nationaux de la notion de « do not significant harm », ça veut dire qu'aucune mesure du plan ne doit causer de préjudice important aux objectifs environnementaux. Et sur les 750 milliards d'euros, quelle est l'enveloppe de la France? Eh bien, le plan de relance européen Next Generation EU va mobiliser au total 39,4 milliards d'euros d'investissement en France pour accompagner les transitions vertes et numériques. Que prévoit exactement le plan français? Eh bien, le plan national soutient la mise en œuvre d'ici 2026 des mesures d'investissement et de réforme essentielles pour sortir plus fort de la pandémie de Covid-19. La France a choisi de consacrer 46% de l'enveloppe française du plan de relance Next Generation EU à la réalisation d'objectifs climatiques. 11 points de plus que l'objectif qui avait été fixé au niveau européen et plus de 20% seront dédiés à la transition numérique. Comment l'argent est-il mis à disposition? Eh bien, pour bénéficier de ce qu'on appelle des décaissements, hein, chaque État membre doit en faire la demande auprès de la Commission européenne. La Commission européenne vérifie alors que les objectifs intermédiaires du plan national ont été atteints et elle décide ou non de procéder au déblocage d'une nouvelle tranche. Donc voilà, dans la limite de deux versements par an, la France a choisi un versement par an. Et quels sont les projets soutenus? Eh bien, parmi les projets soutenus, on peut citer la modernisation du réseau ferroviaire, la rénovation d'hôpitaux, une vague de rénovation énergétique des bâtiments, la numérisation des services publics ou encore l'acquisition d'équipements numériques pour les écoles primaires et secondaires. Merci Camille, on va marquer une pause dans votre émission Europe On Air. On écoute maintenant la chanson de Cat Power et son titre « The Greatest ». Of the flood. Sur Radio Fagette pour l'émission Europe en air présentée par le Centre Europe Direct Territoire Lorrain. Aujourd'hui, on parle du plan de relance européen Next Generation EU. Et cette fois, quels sont les projets qui ont bénéficié du plan de relance en France ? Il y a au total 70 mesures sont soutenues par l'Union européenne. Alors vous avez très certainement entendu parler de MaPrimeRénov qui permet de financer les travaux d'isolation, de chauffage, de ventilation ou d'audit énergétique d'une maison individuelle ou d'un appartement en habitat collectif. Donc ça, c'est financé par le plan de relance européen. Vous avez peut-être également entendu parler du plan Un jeune, une solution qui avait été lancé à l'été 2020 et qui vise à offrir une solution à chaque jeune. Alors avec plus de 9 milliards d'euros investis, il mobilise un ensemble de leviers, donc des aides à l'embauche, des formations, des accompagnements, des aides financières aux jeunes en difficulté, etc. Tout cela afin de répondre à toutes les situations. L'objectif, ne laisser personne sur le bord de la route. Au vu de l'actualité récente, le plan de relance a-t-il évolué ? Alors oui, la Commission européenne a proposé le plan RePower EU le 18 mai 2022, dont l'objectif est de réduire la dépendance de l'Union européenne aux combustibles fossiles russes et d'accélérer la transition vers une économie décarbonée. Celui-ci va en partie être financé par les 225 milliards de prêts du plan de relance européen Next Generation EU qui n'ont pas été utilisés. Et de manière très concrète, comment va-t-on y arriver ? Bien là, il s'agit d'investir dans la diversification de nos sources d'approvisionnement, donc adapter nos infrastructures pour recevoir le gaz naturel liquéfié, qui à terme pourront servir aussi pour l'hydrogène, de réduire notre consommation en investissant dans l'efficacité énergétique pour les bâtiments, les processus industriels, etc. Et en investissement, bien sûr, massivement dans les énergies renouvelables. Où en est-on aujourd'hui concernant les versements du plan de relance ? Eh bien, la Commission européenne a effectué le premier versement de 7,4 milliards d'euros à la France en mars 2022. Et quelle est la prochaine étape ? Eh bien, la France va émettre une deuxième demande de paiement avant la fin de l'année à hauteur de 12,7 milliards d'euros. Le plan, il sera certainement révisé en fonction des allocations révisées et pour tenir compte des nouveaux investissements pour faire face à la crise énergétique. Et quel est l'impact attendu du plan de relance ? Eh bien, la mise en œuvre efficace du plan de relance, selon les estimations, donc Next Generation EU pourrait générer entre 0,6 et 1% de PIB supplémentaire d'ici à 2026 et générer jusqu'à 157 000 emplois supplémentaires. Merci beaucoup Camille. C'était la chronique Europe en air sur Radio Fagette, présentée par l'association Citoyen Territoire Grand Est, Centre Europe Direct Territoire Lorrain. À bientôt pour une prochaine chronique et portez-vous bien.